J'suis dans la merde, faut que je la quitte, m'a dit ma mère. J'ai des clients depuis longtemps, donc je leur demande payer content. Au final, il a la sub, il la fume. Il est content, au final elle a la seule. Tout ça même pas pour un montant. Je retiens jamais ton prénom. J'ai des problèmes à l'appel. Zigzag en tous ces démons. Ils font que me passer des appels. Ta bitch veut que je la démonte. Elle fait cavaler, elle fait la belle. Fournit pilule pour la paye. Un seul calmant qui m'atteint. C'est la OG que je mets dans ma taille. Me ramène plus de la veille. Si tu veux tes mains, tu la fermes. Le nez tant qu'à rendre à faire. Je fume le sable, pas la verte. Mais ce qui va avant la verse, tu sais, pas la verse. Ce qui va avant la verse. J'arrive, soit j'ai souffert. Donc le corps c'est tout belle, on t'aurait fait nouvelle. On est beaucoup comme Mouteng, pour l'instant tout au peine. Lyonzon sur le yacht, Lyonzon sur la pirogue. Le compte est m'interroge, crois pas que ça m'intéresse. Sors du poste, roule une balle, même un cargo on le bat. Et on le rend intact, dans la surface pose intact. Fais pas la poca en tasse, après l'avoir pop 40 tasses. Des boules c'est la tenta, des boules c'est la tenta. Bah les boules tu sens validé, sur scène ça pète quand t'as validé. Fourni qualité et quantité, c'est carré, c'est carré. Bah les boules tu sens validé, sur scène ça pète quand t'as validé. Fourni qualité et quantité, c'est carré, c'est carré. Par pour ne plus revenir, destination l'avenir. Il faut bien garer la voiture, faut penser à enlever la toiture. Sur aux couleurs tes fessées, t'as du mal à t'effacer. Sur aux couleurs tes fessées, t'as du mal à t'effacer. Le train avance sans possibilité de retour, eux ils voudraient monter dedans. Hey, le train qu'on a pris, on vole des tours, on monte en pression, on sort les gros les temps. J'en ai appris du temps, à genoux près du temple. Jamais dormir sur la tente, je me prends pas pour un dur. Mais toi t'es un temple. Hey, pas d'avis, ils sont neutres, c'est des tenders. OGL égale lenteur, tous invités égale, prends pas parti. Lyonzon, personne nous dit quoi faire, c'est pour ça qu'ils ont tous peur. Et nous on kiffe, s'appelle au Lyonzon égale, ça regarde forcément qu'on se fout de ta gueule. Qu'est-ce que t'as, j'comprends, hop, ferme ta gueule. Moitié de sortie couvert, c'est pour ça j'mets toujours la capuche. J'tape mes phases, mes textes, mes verres, pas les pecs, nique sa mère, t'es pas bûche. Laisse-moi ta fenêtre ouverte, si j'rentre, laisserai pas mes paluches. Dans ce putain de game de bâtard, j'suis poids lourd, ça te pédale tes poids légers. Faut que ça pète sa pop pour futur, moi je veux pas vivre la dèche. Lyonzon c'est le bordel, tu sais très bien que c'est la thèse. Faut que ça pète sa pop pour futur, moi je veux pas vivre la hesse. Lyonzon c'est le zoo, Pelo non c'est pas la dèche. Faire un mal de billet, faire un mal de bénet. Combien de l'air j'ai vendu, la vie de moi j'ai oublié. Si je t'ai pas dans le dernier, mon seul but c'est